franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le centre Beaubourg ou l'histoire tumultueuse de sa création dans les années 70. 34 ans après son ouverture, Beaubourg, c'est le mariage réussi et apprécié de l'art, de la littérature et de l'audiovisuel au sein d'une même structure, novatrice à l'identité visuelle reconnue dans le monde entier. Mieux même, au fil des années, Beaubourg s'est imposé comme la vitrine culturelle de l'art contemporain en France. Troisième plus grande collection de cette forme d'art au monde, le Centre Pompidou avec sa bibliothèque accueille chaque année plus de 5 millions de visiteurs, ce qui en fait le deuxième musée le plus visité de l'Hexagone, juste derrière le Louvre. On y vient pour voir une expo, consulter un livre, rejoindre un atelier d'art ou encore déjeuner, flâner sur son parvis, y écouter de la musique. On y croise tout public, étudiants, passionnés d'art, curieux, touristes. Pourtant, avant même les premiers traits des architectes sur les planches à dessin, le projet d'un centre culturel polyvalent d'un genre nouveau, regroupant un musée d'art contemporain, une bibliothèque, un centre de création industrielle et une cinémathèque, n'a pas suscité l'enthousiasme qu'on lui connaît aujourd'hui, bien au contraire. Il était le projet de toutes les controverses, celui de toutes les polémiques. Tout le monde avait alors, pour une raison ou une autre, un reproche à faire à celui qu'on qualifiait de monstre urbain. Un projet d'un genre nouveau, celui d'un mécénat présidentiel, sous la houlette de Georges Pompidou, combatif de bout en bout sur ce dossier. Alors Beaubourg était-il trop en avance sur son temps? Pourquoi le projet a-t-il tant gêné? En deuxième partie de l'émission, nous recevons Laurent Fleury, professeur de sociologie et docteur en sciences politiques, auteur du livre « Le cas Beaubourg, mécénat d'État et démocratisation de la culture », paru en 2011 aux éditions Armand Collin. Nous entendrons également le reportage d'Anaël Verzeau qui s'est rendu sur le parvis du centre Beaubourg à la rencontre des passants, du public et des publics. Bref, l'ambiance du côté de Beaubourg. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Léa Dupouy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique aujourd'hui Élise Christophe, Dimitri Gronoff. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. À la fin des années 60, Paris est déjà une capitale riche dans le domaine de l'art contemporain. Elle regorge d'immenses collections publiques stockées dans les réserves de ses musées. Oui, mais cela fait presque une décennie que la ville n'est plus sous le feu des projecteurs. Détrônée par Berlin, Londres ou New York, où on sait recevoir, exposer et mettre en valeur l'art contemporain, grâce à des structures modernes capables de les accueillir. De nouvelles dynamiques artistiques et contemporaines se créent sur des scènes où l'émulsion se concentre, des scènes malheureusement de plus en plus éloignées de Paris. Sous l'impulsion de mai 1968, on considère que l'art ne doit pas être cantonné dans des musées fermés à l'accès limité. Il doit au contraire être accessible à tous, dans des espaces et des temps nouveaux, et Paris en a besoin. Tel un ovni, on va alors penser à un bâtiment capable de prendre en charge toutes les formes de la création contemporaine. Un bâtiment à la structure polyvalente, vitrine de la création française et de l'expression dans toutes ses formes artistiques. Une manière nouvelle de penser la décentralisation culturelle et le rôle de l'État dans la culture. Un lieu pour ceux qui veulent lire, voir, penser, échanger ou juste se balader, ce sera Beaubourg. En 1969, l'emplacement est choisi. Pour l'instant, ce n'est rien qu'un vaste parking sauvage dans un quartier insalubre connu sous le nom de Plateau Beaubourg. Le 15 juin 1969, Georges Pompidou est élu à la présidence de la République. Il nomme Jacques Chaban-Delmas à Matignon, un moderne, l'homme de la nouvelle société. Après une décennie gaullienne pendant laquelle le général déléguait entièrement à André Malraux, son ministre, l'ambition nationale culturelle du pays, qui peut donc s'attendre à ce que le nouveau locataire de l'Élysée, ancien professeur de français, de latin et de grec, prenne une initiative pareille? Personne. Mais c'est mal connaître le président Pompidou, amateur d'art, surtout moderne. Témoin de premier ordre de cette initiative présidentielle, son ministre des Affaires culturelles, Edmond Michelet, à qui il écrit en ce début du mois de décembre 1969 pour lui faire part de ses intentions. Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel qui soit à la fois un musée et un centre de création où les arts plastiques avoisineraient avec la musique, le cinéma, les livres et la recherche audiovisuelle. Je veux donner aux Français le moyen d'apprécier et d'accéder aux arts en brisant toutes les frontières. Voilà pourquoi il me semble nécessaire de bâtir une nouvelle institution qui puisse répondre à cela. Le projet est dans les tuyaux. La lettre de Georges Pompidou se transforme vite en requête et en consigne. Par cette missive, c'est la volonté présidentielle qui s'exprime alors. Les fonctionnaires des affaires culturelles vont se mettre à réfléchir à un ensemble monumental lié à l'art, dans un cadre novateur et transcendant les genres. Ce projet, c'est l'affaire d'un septennat, l'affaire d'un président qui veut laisser sa marque. Deux jours plus tard, Georges Pompidou prend la décision, en conseil restreint, de mettre en œuvre le projet d'un grand centre culturel polyvalent à Paris. Sa femme, Claude Pompidou, en conviendra bien plus tard. C'est à ce moment-là, c'est vrai, un peu le fait du prince, mais tant mieux si le fait du prince va dans le bon sens, dit-elle. De cette étape décisive naît un document programmatique base calendaire d'un projet présidentiel audacieux. Le projet d'un septennat, mieux même, le projet d'un mécénat d'État pour une démocratisation de la culture. Avec comme but affiché une renaissance de la politique culturelle. Créer un musée du XXe siècle à Paris, c'est choisir d'abord un emplacement qui le positionne au carrefour des échanges culturels. De ce point de vue, le centre de la capitale semble tout indiqué, voire incontournable. Et comme le président veut faire vite, l'État rachète le seul terrain disponible de la ville de Paris, l'îlot insalubre du plateau Beaubourg. Ce qui entraînera un conflit avec la Bibliothèque nationale de France, qui avait prévu, elle aussi, de s'y installer. Début de l'année 1970, le centre de Paris est en plein chantier avec les travaux de destruction des Halles Baltar. Les riverains du 4e arrondissement sont partagés sur l'idée de construire un tel ensemble culturel en plein Paris. Le choix du plateau Beaubourg étonne, surtout quand la demande sociale pour des logements ou même des parkings est toujours aussi forte. Aussi, avant même que la première pièce ne soit posée, cette opération est-elle considérée par certains comme socialement injuste, quand d'autres, au contraire, la trouvent culturellement indispensable. Petit tour d'opinion parmi les riverains. C'est trop compliqué pour moi. Je crois qu'on a besoin d'autre chose que de musées, même du XXe siècle. C'est un centre culturel qui va être construit quand même. On démolit tout ça. Les maisons qui sont bonnes et puis les autres, ils vont résister là-bas. À la Courneuve, vous comprenez, ça tient pour l'heure. C'est quand même intéressant. Une bibliothèque, ça intéresse tout le monde. C'est l'instruction pour tout le monde. Il faut bien un centre culturel, mais c'est très gênant pour le parking. J'espère qu'ils en ont prévu sous l'immeuble. Les avis sont d'autant plus partagés que dans le climat ambiant post-mai 68, cette intrusion du pouvoir dans la sphère culturelle reste très mal perçue par l'ensemble de ceux qui sont descendus dans la rue un an plus tôt pour réclamer plus de liberté, justement. Dans les cabinets des affaires culturelles, on est plus pragmatique. Ce ne sont pas des préoccupations de logement social et encore moins un parking qui peuvent mettre les bâtons dans les roues de ce projet défini par le président lui-même comme le projet du siècle. Toujours est-il que les fonctionnaires vont jouer carte sur table de façon parfaitement transparente avec les riverains du quartier afin de ne pas éveiller de mouvements de contestation et d'animosité. En août 1970, le gouvernement nomme Robert Bordaz, délégué pour la réalisation du centre du plateau Beaubourg. Ce dernier va s'attacher à défendre l'idée d'un projet qui, l'affirme-t-il, s'inscrit dans l'intérêt des Parisiens. On veut créer au cœur de Paris, dans un endroit particulièrement bien choisi, puisque c'est entre les Halles et le Marais, un centre où on est à la fois une représentation des arts plastiques, où l'on ait des salles qui permettent la création de tous les arts, de la musique aussi, et en même temps une bibliothèque de lecture publique accessible à tous, qui permette de s'informer sur l'évolution de la cité contemporaine. C'est un groupement important, c'est un bâtiment qui comportera environ 70 000 m² de surface de plancher, c'est une grande œuvre à laquelle nous serions heureux que le plus grand nombre d'architectes de tout pays veuillent bien montrer leur intérêt en participant à ce concours. Gagné à concours international, engouement international, des architectes de tous les pays affluent. Pour tous, le cahier des charges est on ne peut plus simple. Créer au travers de leur projet un instrument qui permette de redécouvrir la culture, réinsérer l'art dans la vie et surtout qui soit accessible au plus grand nombre, tel est le cahier des charges. Le 15 janvier 1971, un jury international retient parmi 630 projets l'idée de deux jeunes architectes associés, l'italien Renzo Piano et l'anglais Richard Rogers. Leur idée, c'est d'édifier une immense structure moderne d'acier et de verre, d'une dimension de 50 mètres de haut et de 140 mètres de long, soit pour vous donner une idée, la taille des tours et de la superficie de l'église Notre-Dame. À l'intérieur, fidèle au précepte de Georges Pompidou, on doit y trouver une bibliothèque, un musée d'art contemporain, un centre de création industrielle, un centre de recherche acoustique, une cinémathèque. L'ensemble est concentrique sur un seul bâtiment, à l'inverse par exemple du Lincoln Center de New York, où les collections sont dispersées dans plusieurs édifices. L'idée est d'offrir une expérience nouvelle dans la consommation et la pratique culturelle. Fonctionnel et transparent, le cadre de la structure est dynamique. Une machine en mouvement avec son grand escalator en façade qui donne au bâtiment l'image d'une usine-musée, lieu d'apprentissage et de récréation et pensée. C'est une vraie modernité, une proposition audacieuse, transgressive même. Le président du jury, Jean Prouvé, est séduit. Un projet qui pour lui sera le témoin d'une époque. Ce bâtiment nous apparaît comme marquant une étape dans la construction actuelle. C'était pour nous essentiel. Nous nous sommes trouvés devant 680 projets, approximativement, et nous nous sommes découverts très vite allergiques aux grands gestes architecturaux. La simplicité nous a attirés. Est-ce que vous pensez que ce bâtiment sera, disons, le témoin de son époque ? Oui. Oui, nous espérons. D'ailleurs, nous avons découvert une chose en connaissant les auteurs et en les voyant surtout, c'est qu'ils sont jeunes. Et ça, c'est important. Ça nous a beaucoup plu. Effectivement, les deux architectes lauréats sont assez jeunes. Piano a 34 ans et Rogers, 37. Problème aux yeux de beaucoup de Français à l'époque, ils sont étrangers. L'un est italien et l'autre britannique. Et si aujourd'hui cet aspect peut nous sembler insignifiant, heureusement, tant nos architectes d'ailleurs construisent à l'étranger, tant de grands architectes étrangers construisent en France, c'est à l'époque source de vives polémiques. Pour certains, le goût architectural français n'est pas du goût du président. Pour d'autres, c'est le génie de conception et d'ingénierie à la française qu'on remet en cause en important une solution qui vient de l'extérieur. On demande alors à voir le fameux projet. Dans les semaines qui suivent, face aux attentes et polémiques suscitées par le projet lauréat, on décide d'exposer au Grand Palais la maquette du bâtiment. Les visiteurs sont nombreux, ils se questionnent encore plus. Le projet doit s'élever dans un quartier populaire de Paris, autour de maisons le plus souvent vétustes, parfois vénérables, bordées par des ruelles et des passages. Un panorama typique et traditionnel du vieux Paris. Et puis un bâtiment aussi moderne ne risque-t-il pas de défigurer un quartier ? Soumis à l'appréciation du public, le futur centre Beaubourg suscite bien des commentaires. Moi je crois que c'est l'erreur monumentale du siècle. Cette construction est d'une telle échelle que, comme dans l'ancien temps où ces cathédrales surgissaient entourées de petites maisons, et elles en étaient d'autant plus saisissantes, je suis persuadé que ce bâtiment sera une nouvelle, la cathédrale de notre temps. Ça n'aura jamais le souffle de ce qu'aurait pu faire un grand architecte comme Wright, qui a fait le Guggenheim à New York. C'est une boîte, une prison. On fera des expériences comme sur des lapins ou comme dans les hôpitaux psychiatriques. C'est quelque chose qui va fonctionner. Mais est-ce aussi quelque chose où l'émotion sera respectée ? J'entends pas d'avance la cinquième de Beethoven là-dedans ou le sacre du printemps. Ça me déçoit. Peut-être des jeux de lumière vont animer tout ça. Et il y aura des grandes surfaces translucides et qui permettront justement d'avoir la transparence. Vraiment, c'est le démarrage, je crois, d'une époque. C'est trop compliqué pour moi. Critiquer ce projet est devenu un sport national. C'est vrai qu'il est déroutant. Pour la première fois dans une construction, l'intérieur est à l'extérieur. Cet étonnant concept, tiré de la vision de l'architecte Rogers, consiste à rejeter hors du bâtiment la plupart des réseaux dits techniques, autrement dit les escaliers, les conduites d'eau, de chauffage, des ascenseurs, tout ça pour ne pas obstruer la circulation à l'intérieur. Le résultat est étonnant. Il met à disposition pour les événements organisés d'immenses plateaux d'exposition modulables et une immense bibliothèque. Pour son autre concepteur, l'italien Renzo Piano, il s'agit d'un projet ouvert au temps et qui a l'intérêt de pouvoir évoluer en fonction des besoins. La première chose qu'on a cherché de faire, c'était de faire justement plus qu'un bâtiment, un système, vous savez, quelque chose de très libre, de se rénover, de se changer avec les situations, avec le temps. Comme ça, ce bâtiment, c'est exactement, peut-être, au moins, c'est, dans l'intention, c'est exactement le contraire d'un monument. La volonté de l'équipe dirigeante du projet ne s'arrête pas à l'édifice lui-même. Le centre culturel Beaubourg doit, selon ses concepteurs, attirer du monde et permettre de développer une vie artistique, librairie, atelier, magasin autour du bâtiment et ainsi rénover un quartier devenu au fil des années de plus en plus insalubre. Et malgré les vociférations des uns et les critiques des autres, au printemps 1972, après quelques adaptations, le chantier du musée du siècle commence dans un nuage de poussière et des montagnes de gravier en plein centre de Paris. Sur le plateau Beaubourg, les véhicules des particuliers sont remplacés par des outils de chantier. Celui qui démarre doit durer selon les estimations un peu plus de 3 ans et s'achever en 1975 avant la fin du mandat du président Pompidou. Rappelons que ce président est mort dans l'exercice de ses fonctions en avril 1974 mais que son septennat devait courir jusqu'à 1975. Le coût des travaux est de 900 millions de francs, aujourd'hui 130 millions d'euros, soit un peu plus que le prix de 2 avions Concorde, soit encore un tiers du prix que l'État dépensera 30 ans plus tard pour l'édification du musée du Quai Branly, un projet à 400 millions d'euros. Délégué par le gouvernement à la gestion des travaux du nouveau centre culturel, Robert Bordaz est nommé président de l'établissement public du centre Beaubourg. Face aux journalistes qui se pressent devant les barricades de bois pour tenter d'apercevoir les premières fondations, il répond aux questions sur l'implantation du futur centre. Son originalité est grande. On aurait pu concevoir un grand geste architectural, mais cela se serait probablement difficilement marié au quartier, qui est un quartier ancien composé de petites maisons qui ont d'ailleurs un grand charme. Le bâtiment tel qu'il a été adopté est un bâtiment dont la façade sera très mouvementée. On verra sa structure et ainsi on n'aura pas l'impression de quelque chose qui jure avec le quartier. Et puis, grâce à la combinaison adoptée par les architectes, la moitié de la place est libre, cette place sera piétonnière, ça sera donc un bâtiment extrêmement ouvert, on entrera dans le bâtiment par toute la façade, on aura quelque chose de très ouvert au public et à la jeunesse, je l'espère. Pensé pour être un bâtiment qui doit vivre grâce à la participation du public, le Centre Beaubourg se veut, selon ses concepteurs, un bâtiment moderne. Une modernité qui a du mal à passer parmi la population et dans la presse, où de nombreux journalistes n'hésitent pas à parler d'une usine à gaz et qui, bien sûr, s'apprête à défigurer le vieux Paris. L'argument a beau être éculé, on le ressort sans cesse face à la modernité, c'est connu. À l'Élysée, Georges Pompidou, grand mécène de ce projet d'État qui est son projet, le legs d'un septennat, défend l'idée selon laquelle l'originalité du Centre Beaubourg, c'est son identité visuelle. Les arts, les livres, la musique, le cinéma, Beaubourg n'est pas un musée. Il est plusieurs musées en un, avec un grand espace pour le Musée National d'Art Moderne, une bibliothèque publique d'information, la fameuse BPI, un centre de création industrielle et même un institut de recherche et de coordination acoustique-musique. Au mois d'octobre 1972, quelques mois après le début des travaux, le président de la République accorde un grand entretien au journaliste du quotidien Le Monde, dans lequel il revient sur la controverse. Pour ce concours, nous avons eu recours à un jury composé d'architectes et d'utilisateurs universellement connus. Nous nous sommes inclinés devant leur choix. Le jury, qui, je pense, a pu être influencé par l'agitation créée à l'époque autour des pavillons Baltard, a rejeté tout projet qui prétendait être par lui-même un monument. Par contagion, entre Beaubourg et les Halles, se créera, je l'espère, un quartier à dominante artistique et culturelle. Le problème dans un projet de ce genre, c'est de le réaliser, bien sûr, mais c'est surtout qu'il vive. Tout cela coûte cher, je le dis franchement. Mais sur plusieurs années, c'est finalement une goutte d'eau dans le budget de l'État. Et si l'objectif est atteint, ce sera une réussite sans précédent. Mes raisons ? J'aime l'art, j'aime Paris, j'aime la France. Je suis frappé par le conservatisme du goût français, particulièrement de ce qu'on appelle l'élite. Je suis scandalisé de la politique des pouvoirs publics en matière d'art. Et c'est pourquoi je cherche à réagir. En 1974, dans les semaines qui suivent la mort du président Pompidou, un autre front s'ouvre par la Société des Amis du Musée d'Art Moderne, au Palais de Tokyo, suivi par des collectionneurs, des artistes et des donateurs, lesquels refusent le transfert des œuvres au Centre Beaubourg. Les galéristes considèrent alors le centre comme un monstre d'urbanité incapable de respecter l'art. Le 3 janvier 1975, on fait voter une loi pour créer et protéger l'établissement public du Centre Beaubourg. Une loi par laquelle on entend confirmer les missions du Centre, favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit, contribuer à l'enrichissement du patrimoine culturel de la nation, favoriser l'information et la formation du public, ainsi que la diffusion de la création artistique et de la communication sociale. Rien que ça. Le problème, c'est qu'entre-temps, l'Élysée a changé de locataire. Et Valéry Giscard d'Estaing ne semble pas partager la même passion que son prédécesseur. Pour lui, le projet est même un gouffre financier dont l'avenir, trop incertain, justifie de l'interrompre. Il va alors trouver sur son chemin son propre premier ministre, pompidolien, de la première heure. Alors qu'on achève les travaux de gros œuvres de l'édifice, Jacques Chirac, il s'agit de lui, choisit délibérément son camp. Il se rend sur place, accompagné de Madame Pompidou, pour témoigner de son soutien au projet Beaubourg. Au micro des journalistes, le Premier ministre se félicite du résultat. N'imaginez pas que le résultat puisse être aussi positif. Je trouve que sur le plan architectural, ce sera très certainement l'une des grandes choses de Paris pour les années, même probablement pour longtemps maintenant. Je crois également que sur le plan de la conception de l'œuvre d'ensemble, cela permettra à la France, qui avait pris, contrairement à son histoire, un certain retard dans le domaine des arts, de la création, de retrouver cette place qui doit être la sienne. En bref, je crois que c'est vraiment un geste essentiel qui marquera profondément l'histoire du XXe siècle pour la France, et je m'en réjouis beaucoup. Mais le Centre Beaubourg ne fera pas l'économie de l'autre polémique autour du coût. C'est la secrétaire d'État à la Culture, Françoise Giroux, qui met le feu aux poudres. Selon ses estimations, le budget de fonctionnement du Centre Beaubourg doit s'élever à près de 130 millions de francs par an, soit autant que le budget de la préfecture de police de Paris. Des députés UDR comme Émeric Simon-Laurière essaient alors d'éteindre le feu. Non, non, non, le Centre culturel Beaubourg ne sera pas un nouveau trou des Halles. Ce à quoi des députés de l'opposition lui répondent « Enfin, réveillez-vous, le trou est déjà là, de Beaubourg jusqu'aux Halles, il arrive maintenant jusque sous vos propres pieds. » Mais ces soubresauts ne viennent pas perturber la suite des travaux sur le plateau Beaubourg qui commence à prendre forme et laisser deviner ses formes définitives. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire du Centre Beaubourg, dont nous parlerons avec notre invité dans quelques minutes, Laurent Fleury, professeur de sociologie, auteur du livre « Le cas Beaubourg, mécénat d'État et démocratisation de la culture ». Le 31 janvier 1977, le Centre National d'Art et de Culture, dit Centre Pompidou-Beaubourg, est inauguré en grande pompe par le président Valéry Giscard d'Estaing. Quelques jours plus tard, le 2 février, il ouvre enfin ses portes au public. Paradoxe du temps, ceux qui hier ont jeté sur lui l'opprobre et le scandale vont devenir ceux qui le fréquenteront demain et quelquefois ceux qui le défendront. La polémique autour de cette raffinerie culturelle qui défigure le vieux Paris va cependant durer encore un peu, liée en grande partie à son architecture si singulière. Tout ce qui est d'habitude caché par la structure, comme les canalisations, les escalators, est désormais visible de l'extérieur. Cela ne manque pas d'intriguer les curieux qui pensent alors, pour certains, que le bâtiment n'est pas encore fini. Et puis qu'est-ce que c'est que ces grands tuyaux partout, là, de toutes les couleurs ? Ceux qui s'indignent ont juste oublié que l'art est une proposition et qu'il n'a pas vocation à satisfaire tout le monde pour les mêmes raisons. L'art doit déranger, il dérange, là, en l'occurrence, et c'est tant mieux. Et au bout du compte, le succès, oui, un succès considérable. Le Centre Beaubourg, fidèle à ses promesses, attire des publics venus de tous les horizons, des jeunes, des moins jeunes, des touristes, des amateurs d'art, des néophytes, des gens qui viennent sans trop savoir... C'est un aimant culturel, une vitrine de l'art contemporain à la française. Oui, c'est ça, le Centre Beaubourg. En tout, ils sont 25 000 à pousser ses portes chaque jour, près de 5 millions chaque année, soit près de 5 fois plus que ce qu'on avait estimé à l'époque. En son antre se déroulent parmi les plus grandes expositions d'art moderne et d'art contemporain au monde, de la peinture à la sculpture, en passant par la photographie. Les plus grands noms tels Dali, Calder, Duchamp, Kné, Cartier-Bresson sont exposés dans ces espaces pensés des années plus tôt pour pouvoir les accueillir. Le pari audacieux lancé par Georges Pompidou, celui de désacraliser le musée de son carcan et de son cadre traditionnel en lui offrant une structure résolument moderne et ouverte et gagnée. Il y avait un jardin métallique peuplé de sapins cylindriques avec des robes Paco Rabanne. Il y avait des cochons, pop musique et des insectes fantastiques aux couleurs idoines. Il y avait des sentiers hollandais que seule la lune éclairait à 5 heures de la après-midi, j'y venais à pied prendre le thé, desservi par toute une armée de joyeux colibris, et c'était beau. Métallique, surtout dans les journées d'été. Et c'est comme si l'on était secoué par un géant de 17 pieds, particulièrement colérique. Et c'était beau, magnétique, invisible aux nerfs optiques. Affaires sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'histoire du centre Beaubourg ou centre Georges Pompidou. Laurent Fleury est avec nous au duplex des studios de France Bleu Armorique à Rennes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris 7, docteur en sciences politiques. Dans votre ouvrage intitulé « Le cas Beaubourg, mécénat d'État et démocratisation de la culture » paru en 2011 aux éditions Armand Collin, vous êtes attaché à expliquer comment on en est arrivé à Beaubourg, le centre Georges Pompidou qui, je le rappelle, accueille 25 000 personnes par jour. Alors, ce centre, c'est un peu l'histoire du premier mécénat d'État pour la culture en France. On l'a dit, c'est un choix présidentiel pour une ambition culturelle nationale. Et ça arrive quelques années après mai 68. Est-ce que le contexte historique, sociologique de la France a pu influencer Georges Pompidou dans cette prise de décision pour Beaubourg ? Oui, certainement, dans la mesure où Georges Pompidou était Premier ministre et sorti presque renforcé, lors même que De Gaulle était sorti affaibli de mai 68. Et je crois que la question du contexte historique permet en effet d'éclairer. Certains peuvent même dire que Beaubourg était d'esprit 68-art, sans faire de Georges Pompidou un post-68-art. Mais je pense que par rapport à toute l'esthétique décisionniste que vous avez bien mis en évidence... Ce n'est qu'une interprétation possible, cette dimension de la convocation de l'histoire. Vous rappeliez à juste titre combien il avait été qualifié de fait du prince et les entretiens que j'avais pu faire avec Jacques Chaban-Delmas, François Mattet, Pierre Boulez, Jean-Pierre Seguin, le fondateur de la Bibliothèque publique d'information, confirmaient cette dimension très personnelle. Jacques Chaban-Delmas avait même du mal à me dire qu'il n'avait jamais vu le dossier à Matignon en tant que Premier ministre. Et ce fait du prince s'explique par ce que vous rappeliez à travers la dimension du normalien agrégé amateur d'art qui avait acheté avec ses premiers revenus à la Banque Rothschild lorsqu'il y exerçait une œuvre de Max Ernst qui visitait le dimanche en tant que Premier ministre avec Claude Pompidou, sa femme, les galeries d'art contemporain à Paris, c'est qui était un fait assez rare, dont on connaissait aussi la gourmandise intellectuelle et cette dimension poétique avec laquelle parfois il répondait aux journalistes en citant Éluard. Donc il y a en effet une dimension très personnelle, on pourrait qualifier d'interprétation volontariste, cette dimension donc de l'intervention du président Pompidou. Le contexte historique, en effet, vous rappeliez que c'est 6 mois après son élection, le 15 juin 1969, 6 mois après, jour pour jour, qu'il écrit à son ministre Edmond Michelet pour demander à ce que soit édifié un monument bâtiment donc sur le plateau Beaubourg. Il y aurait aussi une interprétation qui est liée au contexte, qu'on pourrait peut-être qualifier de fonctionnaliste, en référence aux politiques culturelles qui sont nées quelques 10 ans plus tôt avec André Malraux, qui s'était vu confier donc la création du ministère des Affaires culturelles. Et en 68, en effet, la politique de Malraux, des maisons de la culture, est critiquée d'une part. On parle d'un essoufflement des maisons de la culture, d'un essoufflement de la politique de Malraux, mais plus encore, les grandes institutions parisiennes sont en crise chronique. Je pense à l'opéra comique, à la comédie française, qui sont relativement évidées de leur public, d'une part, et qui sont donc en crise financière également. Mais à côté de ce contexte global, qui permet donc de penser comment un président de la République, après avoir été Premier ministre, donc en accédant à la plus haute fonction de l'État, décide, il y a peut-être une autre interprétation, une autre explication très très importante, par laquelle je crois que vous débutiez, qui est en fait la dimension de la concurrence interétatique qui se joue aussi de manière symbolique sur les scènes artistiques internationales. Et la concurrence entre les capitales surtout. Voilà, voilà. Paris a été capitale du 19e siècle, si on emprunte à Walter Benjamin son titre. Et en effet, tout artiste, que ce soit venant d'Espagne ou de Russie, passe par Paris en art plastique ou en architecture ou autre. Et puis, Paris commence à être concurrencé au 20e siècle par des villes comme Vienne 1900, avec Schnitzler, Musil, évidemment, Kokoschka, Klimt, Freud, enfin, toute cette dimension effervescente de Vienne 1900, par également Berlin 1910. Et puis, Paris, qui avait pourtant une école de Paris, avec très cosmopolite, avec Soutine, Picasso, Jean Bazaine et autres, va se voir après 1940 détrôné par New York, y compris sur un mode de double mimétique, la création de l'école de New York avec Rauschenberg, Jackson Pollock et autres. Et Rauschenberg va être consacré à la Biennale de Venise en 1964 et Georges Pompidou, amateur d'art, n'est pas sans le savoir, il est Premier ministre à l'époque et je pense qu'on peut référer en effet à cette dimension de scène artistique internationale, la décision de Georges Pompidou, d'autant que l'effervescence artistique se passe peut-être outre-Atlantique, mais aussi outre-Rhin que sur l'art plastique. Il y a la Documenta de Kassel, il y a Cologne, Düsseldorf qui se livre une concurrence très forte, et à Darmstadt pour la musique, Pierre Boulez retrouve Karl-Heinz Stockhausen, Luciano Berio et autres. Et donc, je pense que cette dimension internationale est très importante. On peut tempérer l'interprétation de Fait du Prince avec une interprétation qui renverrait plus à une raison d'État, puisque au sein du XVIIe siècle, tout ce qui aurait pu contribuer au rayonnement, au prestige, à la grandeur de l'État-nation, indépendamment de la personne du prince, si on prend cette référence pour désigner ici le président de la République. Disons que l'un n'empêche pas l'autre. Alors, on va écouter ensemble. Je vous remercie pour vos explications extrêmement claires. On va écouter une archive courte ensemble qui met le doigt sur un autre aspect de la polémique. On a parlé de l'aspect de la polémique, l'aspect visuel, cette modernité qui fait qu'on a souvent tort d'avoir raison trop tôt. Une autre polémique donc autour de l'argent. On va écouter ensemble le député UDR, donc gaulliste pompidolien Émeric Simon Laurière. C'est en septembre 76, Georges Pompidou est mort depuis 2 ans. Valéry Giscard d'Estaing est aux commandes. Comme nous l'avons évoqué dans le récit, la polémique tourne autour du financement public du centre, un financement remis en question par le gouvernement de Giscard. On écoute, on se retrouve après, Laurent Fleury. Le centre Pompidou ne sera pas le trou des Halles. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il a été construit en 4 ans. Il a démarré en 72 et terminé à l'heure actuelle, ce qui est fantastiquement rapide. Et en second lieu, parce qu'il n'y a pas eu de dépassement de crédit substantiel. Il y a eu 2 contrôles. Je les avais demandés personnellement, étant rapporteur du projet de loi sur la création de l'établissement public. L'un de l'inspection des finances, l'autre de la Cour des comptes. Et ces contrôles ont été favorables. Alors, ce serait épouvantablement triste que ce soit le franc. C'est-à-dire qu'on ait construit un grand instrument et qu'ensuite on l'abandonne. Il n'en est pas question dans la mesure où c'est le premier instrument de culture populaire internationale et mondiale. C'est-à-dire que nous aurons 7000 personnes par jour, ce qui est tout à fait inouï, ce qui fait à peu près 5 millions de personnes par an, et qu'en effet, il faut pour cela dépenser environ 130 millions de francs par an. J'étais à New York au mois de juillet, on m'a parlé du centre, et il fait l'admiration des Américains. Oui, mais des Parisiens aussi, monsieur le député. Alors là, vous avez tout à fait raison, vous touchez un point sensible. Il n'est pas question que le centre Pompidou soit un centre élitiste et confidentiel. Il doit être un centre provincial. Alors Laurent Fleury, est-ce que cette polémique autour du coup a été une polémique pour cacher la vraie opposition à un projet architectural, ou est-ce qu'il y avait vraiment un problème de financement ? Je pense que, comme vous le disiez, les deux sont liés, mais surtout dans la mesure où, si Valéry Giscard d'Estaing a été finalement, en 1974, à freiner, après donc le décès de Georges Pompidou, ce projet qu'il ne portait pas dans son cœur, c'est que Georges Pompidou avait fait acte d'autorité d'emblée, dès le premier conseil restreint, parce qu'il avait demandé à ce qu'il y ait une enveloppe Beaubourg prise sur le ministère des Finances, et Giscard d'Estaing était ministre des Finances de Georges Pompidou à l'époque, parce que il ne voulait en aucun cas amputer le budget des affaires culturelles ou du ministère de la Culture pour ne pas avoir ni les artistes ni les professions de la culture contre le centre Beaubourg, le centre qui sera alias le centre Georges Pompidou, en hommage au président défunt après sa mort. Donc, il y a en fait une opposition de Valéry Giscard d'Estaing par rapport à cette dimension financière, et j'insisterai sur aussi les conséquences que ça a pu avoir. Car il y a eu un rapport de l'inspection des finances et de la Cour des comptes qui craignait finalement un insuccès du centre Beaubourg, et ce qui a été à l'origine d'une commande auprès de Georges Guette, qui avait été un secrétaire général du Théâtre National Populaire, du TNP, si j'y fais référence, c'est parce qu'il y a, c'est une autre bataille de service public qui s'était jouée auparavant autour de Jean Villard. Et Georges Guette va préparer 4 ans à l'avance, avec Claude Fourteau, Denis Pénapin et d'autres, l'ouverture de Beaubourg, pour justement que ça puisse être un succès public par une campagne de conquête et de fidélisation d'un public en amont, si je puis dire, pour essayer de voir comment, auprès des comités d'entreprise, auprès des familles, auprès des quartiers, il y avait possibilité de proposer déjà, d'ores et déjà, une adhésion à l'institution. Et donc, la question du spectre qui hantait finalement le spectre d'un insuccès, y compris financier, a conduit très paradoxalement, sur mode du paradoxe des conséquences, à réfléchir aussi à l'idéal de démocratisation de la culture. Est-ce que Georges Pompidou a lancé finalement une méthode, plus qu'une mode, du président constructeur? On sait, Giscard d'Estaing lui tenait beaucoup au musée d'Orsay, Jacques Chirac au musée des arts primitifs Quai Branly. François Mitterrand, n'en parlons pas, la Cour du Louvre, la Défense, la Grande Bibliothèque, les présidents constructeurs, c'est Georges Pompidou qui a lancé ça? C'est très juste, et je pense qu'il y a peut-être, sans doute ici, on pourrait peut-être parler de l'invention d'une tradition sous la Ve République, car André Malraux se désespérait que le président de Gaulle n'en ait pas de geste, et il estimait que ça devait procéder de la plus haute magistrature, de la présidence de la République. Et en fait, Georges Pompidou rompt avec une tradition républicaine, car la Troisième République avait été très frileuse, d'une certaine manière, en matière de politique culturelle, ainsi que la Quatrième République, et pour des raisons très culturelles et politiques, au sens le plus fort du terme, parce que finalement, les républicains avaient considéré que la pratique mécénale de l'ancien régime, que ce soit un mécénat royal privé ou un mécénat royal public, procédait, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une intrusion de la sphère politique dans la sphère artistique et qu'il fallait respecter la liberté des artistes et de la création artistique. Et donc la Troisième et la Quatrième République s'étaient défendues quasiment d'intervenir. Or, Georges Pompidou, en 17e-iste qu'il était, là, je reviens finalement à une culture littéraire et à une culture politique, ses livres de chevet étaient La Bruyère et autres, renoue d'une certaine manière, sur le mode de la résurgence, d'une certaine manière, avec des pratiques mécénales. Et là, on peut parler d'un mécénat public, évidemment, d'un mécénat d'État. C'est pour ça que j'intitule le livre en ces termes. Parce que, contre toute attente et en rupture avec la tradition républicaine de non-intervention, d'une certaine manière, du point de vue de la présidence de la République, Georges Pompidou intervient et, en effet, crée une tradition au sein de la Ve République, puisque si François Mitterrand est peut-être l'exemple, la figure la plus prototypique et emblématique, paradigmatique de cette intervention présidentielle en matière d'art et culture dans tous les domaines, Georges Pompidou en a été sans doute l'initiateur, opérateur. C'est Richelieu qu'on ressuscite, en quelque sorte, version républicaine. En 1977, le Centre Beaubourg était inauguré, on l'a dit, et en 1977, on écoutait, entre autres, Peter Gabriel, on écoutait Salzburg Hill. Night. He was something to observe. Laurent Fleury, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre intitulé « Le Gabobourg » et sous-titré, c'est souvent important les sous-titres, hein, « Mécénat d'État et démocratisation de la culture » paru en 2011 aux éditions Armand Collin. On a parlé du centre Beaubourg en lui-même, de la polémique autour et autour du centre Beaubourg d'un point de vue physique, géographique, il y a un parvis, il y a un quartier. Est-ce que Beaubourg, selon vous, a apporté vraiment une vie à ce quartier, une vie nouvelle, une attraction nouvelle, au service de la ville de Paris d'ailleurs? Oui, je pense que là, c'est à la fois incontestable. Les chiffres évoqués le disaient, y compris en termes de fréquentation au sein même du centre Pompidou, de Beaubourg, étaient attendus 7 000 et puis il y a eu 12 000, 25 000 d'une part. Et puis, on ne se souvient pas parce qu'actuellement le parvis est un tout petit peu moins peuplé, mais le parvis était noir de monde. Et ça a été d'ailleurs le génie de Renzo Piano et Richard Rogers, et peut-être le signe de leur élection par rapport au concours international d'architecture, c'est qu'ils avaient utilisé uniquement la moitié de la surface disponible pour permettre de mettre en valeur le bâtiment, le monument. Après, en effet, il y a des effets autour de cet établissement et des flux, que ce soit des œuvres, que ce soit des grandes expositions. Les premières étaient Paris-New York, Paris-Berlin, Paris-Moscou. Il y a eu également Dali, il y a eu Vienne, etc. L'Apocalypse joyeuse. Toute cette dimension a créé, en effet, au-delà du succès de curiosité, un succès d'estime par les Parisiens eux-mêmes, un succès médiatique et international et touristique, que vous rappeliez également, et qui fait que Beaubourg a finalement réussi le pari que Georges Pompidou peut-être lui avait implicitement assigné, c'est-à-dire de restaurer d'une certaine manière le statut de Paris comme capitale internationale des arts, peut-être pas, mais en tout cas de remettre Paris dans le concert des scènes artistiques internationales et de constituer au-delà du quartier, là où la réussite est incontestable, cette dimension symbolique à Paris dans la concurrence interétatique ou les rivalités internationales en matière d'art. Alors on va aller justement ensemble voir cette atmosphère qu'il y a autour de Beaubourg. Il y a une solution pour ça, hein, c'est d'y aller. Notre reporter Annel Verzo y est allé avec son magnéto et elle a capter l'ambiance. Écoutons. Ah, je viens d'arriver juste devant le centre Georges Pompidou, ou le centre Beaubourg, à Paris, dans le 4e arrondissement. Et je vois un grand bâtiment avec des tuyaux. Et je vois qu'il y a une exposition actuellement de Marcel Duchamp. Et alors là, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au centre de la place, il y a des toilettes. Et il y a même une jeune femme qui s'est installée sur ces toilettes. Elle est habillée, il y a une poubelle, des rouleaux de papier toilette, et elle a posé son sac à dos. Tout le monde la prend en photo, elle est en vitrine. Bonjour mademoiselle, vous êtes aux toilettes? Oui, je suis en toilette. Mais vous êtes bien, vous êtes en public. Hein, je même. Suis fortunée. Je suis fortunée parce que j'ai la toilette. Vous avez gardé vos vêtements? Oui. On va faire l'expérience. Hop, je rentre dans les toilettes. Voilà. Et oui, c'est des vraies toilettes. Hein. Il y a une chasse d'eau. Et là, tout autour de moi, il y a des gens qui passent, des touristes. J'ai l'impression d'être dans une œuvre d'art. C'est pour les SDF. Oh, c'est vrai. Est-ce que vous savez que demain c'est la journée mondiale des toilettes? Ah, c'est pour ça que je me demande. Journée mondiale pour ça? Chaque jour, 2000 enfants meurent de diarrhée liée au manque d'accès aux toilettes. Et pourquoi vous êtes mis juste devant le centre Beaubourg? On s'est dit pourquoi pas produire une œuvre d'art qui ne serait pas une œuvre d'art et la mettre devant le centre Georges Pompidou. Donc ça tombe très bien parce qu'en fait il y a une exposition de Marcel Duchamp en ce moment. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui passent nous voir et qui nous disent « Ah mais c'est un hommage à l'urinoir, c'est un hommage à Marcel Duchamp ». Donc on dit « Bah non, non, pas du tout, en fait c'est une action de sensibilisation ». Et en fait c'est une très bonne accroche pour les gens. C'est chaud hein. Là on va juste voir la fontaine niquée de Saint-Phal. Et après on retourne à l'école. Voilà, là on est en train de longer le centre Beaubourg. Et on est donc avec cette classe. Vous êtes d'institut ? L'institut Gustave Baguerre. Une école spécialisée pour le langage. Il y a une adaptation pour les sourds et une adaptation pour tout ce qui est dyslexique. Est-ce que vous avez des problèmes d'élocution ? Oui. De langage. Ça nous aide à... C'est mélangé. Faire notre vie plus tard. Je vais pas dire autre chose que j'ai choisi. Et vous avez quel âge ? 14 ans. 13. 12. Alors là, voilà, on arrive devant cette fontaine Stravinsky, appelée aussi la fontaine des automates. Et cette fontaine, elle a été construite en 1983. Et ce sont des œuvres de Tinguely, Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal. Qu'est-ce que tu vois? Des têtes de mort, t'échauffes ça dans l'eau, t'es serpent. Qu'est-ce qu'elle fait la tête de mort? Elle tourne. Et elle est posée sur? Sur un sac tout en fer, et elle est blanche. Et elle sourit, non, la tête de mort? Oui, elle sourit. Elle a un œil bleu et un œil vert et bleu. Laquelle te marque le plus? Le chapeau qui est là-bas. Avec une petite fleur sur le chapeau. Elle est rouge-jaune. Rouge-jaune-orange. Qu'est-ce que tu vois d'autre sur l'eau? Bah, un cœur rouge, vert-bleu-orange. Il tourne. Il tourne sur lui-même? Oui. Toutes les sculptures tournent, hein? À part l'éléphant. Et là, juste en face de nous, il y a une église. C'est l'église où que Molière a été baptisé. Est-ce que vous entendez le son de la fontaine? Oui. Les bruits de la machine. On s'approche pour écouter? Oui. On entend la mécanique des machines. Et surtout, là, c'est plus bruyant que l'autre côté. Et là, il y a une grosse dame. Regarde, dans l'eau. Ah oui, les cheveux bizarres. Des traits oranges. Pour la sirène? Bah oui, un corps vert, violet, blanc et rose. Il y a toutes les couleurs. Est-ce qu'elle est belle? Pas trop, non, pas trop. Non. Pourquoi elle est pas belle? Parce qu'elle est grosse. Mais c'est une œuvre d'art. Oui, mais moi je trouve pas ça beau en tout cas. Ça hein. Je voudrais pas sortir avec elle. Non, pas du tout. En même temps, c'est une femme qui l'a fait, donc. Laquelle te plaît le mieux? Ah, la note de musique, le crâne. Et moi, c'est le cœur, parce qu'il est pour tout le monde, il tourne pour tout le monde. Allez, on y va. Attends, je t'ai entendu. Allez, on y va. Allô, ça va? On y va. Ça va, oui. Attends, merci beaucoup, hein. Merci. Au revoir. Voilà, ambiance captée sur le parvis de Beaubourg par Anaëlle Verzo lors d'un dimanche ensoleillé où le parvis, effectivement, est un lieu de promenade. Il faudrait donner un conseil aux Parisiens. Souvent, on passe devant des bâtiments, nous les Parisiens, on s'aperçoit même pas que les bâtiments sont là, on ne les voit pas. De monter sur une terrasse, je sais pas si vous avez des amis qui habitent au 6e étage d'un immeuble, monter sur une terrasse dans le centre de Paris et regarder le centre Beaubourg, c'est comme un jouet, comme un Lego, avec des couleurs comme ça au milieu de l'ensemble, plutôt gris, hein, de la ville de Paris, la vision est saisissante. Laurent Fleury, vous êtes passionné hein, par cette histoire, on le voit en lisant votre livre et surtout en vous entendant. Alors le centre Beaubourg a été en avance sur son temps, ça lui a posé quelques problèmes, on l'a vu avec les polémiques tout à l'heure. Comment faire pour que le centre Beaubourg reste en avant par rapport à son temps? C'est difficile, ça aussi c'est un vrai défi. On n'aura plus qu'une minute, hein, monsieur Fleury, une minute quinze. D'accord, le défi était déjà dans le présent de l'ouverture, puisqu'on avait posé la question de savoir si c'était le musée du XXe siècle ou le musée du temps présent. Je crois que pour réinventer et retrouver une forme, une qualité, un esprit, c'est peut-être se souvenir de la hardiesse d'un geste politique, se souvenir de l'esprit de liberté qui soufflait, et se souvenir aussi qu'il est possible de se tenir au difficile, c'est-à-dire de tenir la conjonction des contraires, j'allais dire, entre la revendication égalitaire, qui est inattaquable en régime démocratique ou républicain, dans l'accès de tous à l'art et à la culture, et la revendication élitaire, c'est-à-dire de l'exigence. Bien souvent, il y a une opposition, alors même qu'il y a une possibilité de mettre en tension, je pense au mot d'Antoine Vitesse, élitaire pour tous, qui est aux antipodes du mot élitiste, qui est souvent brandi pour essayer de dire que ça ne s'adresse pas au peuple et pour mieux diminuer ensuite les subventions. Se souvenir enfin peut-être qu'on peut exercer encore la responsabilité politique. Georges Pompidou, dans l'invention de cette tradition sous la Ve République, l'a peut-être montré et dans laquelle François Mitterrand s'est engagé ensuite, et que le rôle de l'État, ici, si on pense au mécénat d'État, peut encore avoir quelques vertus dans un soutien, s'il est indéfectible, qui peut en effet créer des institutions qui joueront alors un rôle important, une place importante dans la définition même des politiques culturelles, d'une part, mais aussi dans la réalisation de l'idéal de démocratisation de la culture, tel que votre émission là, le suggérait également. Merci beaucoup, Laurent Fleury. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le Centre Beaubourg, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci Fabrice Drouel et à demain.